pas d'eau dans le gaz. Mettez l'acide Eric Savry et que les amitiés rétractiles c'est des balises face au chantage. On écrase nos semblables comme des menaces potentiellement folles. Se lâche, bafoue les règles de base, faut d'en faire l'entorse. Et là je vois pas de ce mal à qui vaille. La peine d'être sauvé, j'ai trouvé Willy des os. C'est sur une plage paradisiaque. J'ai des projets, voir mes vœux exaucés. C'est troquer toutes mes peines. Mais j'ai déconné par mes jeux d'égo. Désolé, je vous le répète. Gaspillage en règle, casse et pillage en caisse. Les blocs, les tours, des gros s'écroulent. Les mauvaises nouvelles pètent. Les scores, la spirale enfer. Mes chasses, les mirages en tête. Les mythos, les douilles, les preuves et tout le reste collé sous les semelles des bottes. Des tas de cauchemars me poursuivent. Des barocages, le jour chez Calocas. Faudra se bouger, fils de Marocard de tour. Je suis qu'une sorte de carcasse vide. Mort de froid la nuit, j'arpente les parcs, taquine les gens et l'orgue de barbarisme. Mon nécrose et obscène donne des nausées aux frères. Gros c'est trop tard, ils se déposent et opèrent comme un zona sur tes zones érogènes. Yo, il faut que tu saches, c'est en douce que les vrais s'imposent net. Ils ont trouvé les symptômes peut-être, mais pas la cause du crash. On marche sur les braises, lentement on reconstruit sur des ruines. Tu sens cette atmosphère de changement, l'appui sur les tuiles. Viens pas commenter la course, l'important c'est d'avancer avec son temps et l'insolence d'un saut de planche dans un dé à coudre. On marche sur les braises, lentement on reconstruit sur des ruines. Tu sens cette atmosphère de changement, l'appui sur les tuiles. On mise trop sur la fuite pour alléger le fardeau comme la cliquage pris. J'attends que la pluie vienne balayer ce chaos. À l'aube d'une nouvelle ère où tout éterne est fermé. Merde éternelle, entre ciel et terre, plus rien n'est merveille. Un certain temps ferme empêche la remise en question. 10 ans de pression inutile, lucide, je rumine, étudie nos vies furtives sur un bilan très sombre. D'où mon immense raison de préférer le silence aux bruits indécents. En visant ces gens à la critique incessante, en descente sans avoir ingurgité quoi que ce soit, j'écrase le voile des mots, j'éclos par défaut. Laisse mon égo frérot, je garde espoir. Je parle des fois où j'ai réfléchi trop vite. Un avis fautif inconvenable, un contact mi-froid, mi-docile pris. Dans une spirale, j'attends la suite sous air médicinal. J'ai pris part à ça maladroit, ma foi prend la fuite. Aléatoire sont les choix qu'on prend, mon avis ne comptera pas. Mais on sent que le monde change, bon sang, j'ai vu plongeante sur la falaise. Vu que t'as l'air de sourciller, j'amène une part de vérité. Je veux pas te vérifier, juste un souci et j'appelle. Non pas mes potes, mais les mots dont je fais usage. Pas de four en public, je poursuis ma quête pour m'approcher chaque jour plus près du Graal. Et là le truc s'effondre, dur d'être bon dans ce plus stressant. C'est sans appel, je laisse ma plume s'étendre, la chute est brutale. Je savais que ça allait arriver, ça ou un truc dans le genre. J'ai vu de nombreux signes. Vous avez essayé de vous y préparer. Vous auriez fait quoi? On marche sur les braises, lentement on reconstruit sur des ruines. Tu sens cette atmosphère de changement, l'appui sur les tuiles. Viens pas commenter la course, l'important c'est d'avancer avec son temps et l'insolence d'un saut de planche dans un dé à coudre. On marche sur les braises, lentement on reconstruit sur des ruines. Tu sens cette atmosphère de changement, l'appui sur les tuiles. On mise trop sur la fuite pour alléger le fardeau comme la clique. J'attends que la pluie vienne balayer ce chaos.